Chaque fois que j'hésite dans mon cœur, entre mon courage et ma peur, l'injustice suscite en mon fort l'envie d'avancer vers mon sort. Et je progresse vers ma mort, quoi, que ma vie s'allonge malgré moi. Pourquoi ne pas trouver la paix dans la fierté sous mon épée? J'avance sans prêter attention ni aux larmes ni aux émotions. Oh ma mère, si tu veux mon bien, invoque pour moi et lève tes mains. Une larme lâchée dans la lâcheté n'aura jamais d'utilité, car cette religion se nourrit de ceux qui méritent les houris. Sauver l'islam est mon défi, l'agrément de Dieu me suffit. Ô terre, abreuve-toi de mon sang pour satisfaire le Tout-Puissant, pour satisfaire le Tout-Puissant. Chaque fois que j'hésite dans mon cœur, entre mon courage et ma peur, l'injustice suscite en mon fort l'envie d'avancer vers mon sort. Et je progresse vers ma mort, quoi, que ma vie s'allonge malgré moi. Pourquoi ne pas trouver la paix dans la fierté sous mon épée? Pourquoi ne pas trouver la paix dans la fierté sous mon épée? Pourquoi ne pas trouver la paix dans la fierté sous mon épée?